psaume numéro 135. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des dieux, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, éternel est son amour. Lui seul a fait de grandes merveilles, éternel est son amour. Lui qui fit les cieux avec sagesse, éternel est son amour. Qui affermit la terre sur les eaux, éternel est son amour. Lui qui a fait les grands luminaires, éternel est son amour. Le soleil qui règne sur le jour, éternel est son amour. La lune et les étoiles sur la nuit, éternel est son amour. Lui qui frappa les Égyptiens dans leurs aînés, éternel est son amour. Et fit sortir Israël de leur pays, éternel est son amour. D'une main forte et d'un bras vigoureux, éternel est son amour. Lui qui fendit la mer rouge en deux parts, éternel est son amour. Et fit passer Israël en son milieu, éternel est son amour. Y rejetant Pharaon et ses armées, éternel est son amour. Lui qui mena son peuple au désert, éternel est son amour. Qui frappa des princes fameux, éternel est son amour. Et fit périr des rois redoutables. Éternel est son amour. Séon, le roi des Amorites, éternel est son amour. Et Og, le roi de Basan, éternel est son amour. Pour donner leur pays en héritage, éternel est son amour. En héritage à Israël, son serviteur, éternel est son amour. Il se souvient de nous, les humiliés, éternel est son amour. Il nous tira de la main des oppresseurs, éternel est son amour. À toute chair, il donne le pain, éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu du ciel, éternel est son amour.